بسم الله الرحمن الرحيم. كم أنواع الخطوط؟ ما هي؟ خطوط المسح العثماني، الخط العثماني، نعم، نسيت الحركة الأولى في العين، العروديين، العروديين، ثقة العروديين. سقاسكي الشعر ويكتب كل ما تسمع، يعني التنوين يكتبون، يعني بوب مثلا الضمة، نعم. والأخير الخطوط الاصطلاحية اللي يستعملون. طيب نبدأ مباشرة. قال الحمزة، وأهم من أهم ما يكون في هذا الباب كتابة الحمزة، كما تقول الحمزة، وعليكم السلام. قال تعرفها هي الألف التي في أول حروف المعجم وتقبل جميع الحركات A, I, U. Donc ça, le Hamza. Ton apparence, c'est un alif. Différence, c'est que tu lui mets des harakat. Contrairement au alif. Mawadi'uha. Takoun fi awwal kalima, fi wasatiha, wa fi akhiriha. Nahu a'ta, wa sa'ala, wa qara'a. Tu la trouves dans tous les lieux, dans les kalima. Au début, a'ta, au début, ça commence par Hamza. Sa'ala, في الوسط، قرأ في الآخر ملافة. وتسمى الألف اليابسة مقابلة للألف اللينة التي لا تقبل الحركة، نحو قال ودعا ورمى. فهذا كما الذي سأقول ألف اليابسة كتخموا ألف اللينة كي الألف كي de base. La différence entre ces deux ألف, entre le Hamza et le ألف, c'est que le Alif n'accepte aucune haraka. Contrairement au Hamza. Qala, mathalan, qala. Le alif après le kaf, c'est alif layyina. Da'a, kazalik. Alif qui est à la fin, c'est layyina. Warama, kazalik. Et on pourra pas avoir de alif layyina en awal kalima. Pourquoi? Parce que tu es obligé de commencer par une harakat. Et Alif al-Yena n'accepte pas de. Donc on va venir quoi à ce moment-là avec le Hamza? Qala aqsamuha ibtida'iyya wa mutawassita wa mutatarrifa. C'est-à-dire en début, en milieu et à la fin. Qala awalan al-Hamzatu al-Ibtida'iyya. C'est-à-dire en début de mot. قاعدة رسم الحمزة الابتدائية ترسم الحمزة بالابتدائية على صورة الألف وتنقسم إلى قسمين وصل وقطع هكذا. Donc en début de mot, هذه الحمزة on l'écrit sur la forme d'un alif. وهذه الحمزة إلى قسمين حمزة الوصل وحمزة القطع. حمزة الوصل c'est qu'on va prendre en premier lieu. Et حمزة القطع c'est celle où il y a Ras al-Ayn Fouka. Tu vois l'Ayn comment il est? Et bien la moitié du Ayn, quand tu vois cette lettre là, c'est un Hamzatul Qatr. Et il a ses règles, ça va arriver Inch'Allah. Qala Hamzatul Wasl hiya allati tathbut 'inda al-ibtida' bin-nutq biha wa taskut 'inda al-daraj ay fi athna al-kalam. Tamam, en début de mot ce Hamza tu le prononces. Et lors de la liaison, tu ne prononces pas. Faisait kulta idrib. Fainaka tantuk el hamza akada idrib. Tu vois comment il est écrit? Avec un hamza tukat. Parce que tu prononces un kasra. Tu dis idrib. Donc là, tu le prononces. Bien qu'à la base, dans idrib, hamza tukat, tu ne l'écris pas. Tu as juste ce qui est la forme d'un alif avec une kasra. Et ça, c'est un hamza. Ça aurait été un alif, tu n'as pas eu de kasra. Donc en premier début de phrase, en début de mot, afouen, tu le prononces. لأنك ابتدأت بها وإن تقدم شيء ولو حرفا واحدا فإنها تسقط في النطق كأنك تقول وادرب فإنك لا تنطق بالحمزة فيسير نطقها هكذا وضرب كأن الحمزة غير موجودة هكذا dans la liaison même si par exemple tu trouves ce hamza en début de mot mais qu'il est précédé par un harf ça prendra le hukm d'un milieu de mot c'est-à-dire tu feras directement l'enchaînement entre le harf qui est sakin entre le harf afwan qui est mutaharrik le hamza il tombe et tu enchaînes directement au deuxième harf à la base on dit idrib si on met wa devant idrib on va pas dire wa idrib on va dire wa idrib le hamza tu l'écriras mais tu ne le prononces pas là c'est معروف donc ce hamza il wasl ينطق عند الوقف ولا عند الوصل quand tu t'arrêtes dessus tu le prononces quand tu fais la liaison tu ne le prononces pas comme s'il était inexistant bien qu'il s'écrit وترسم الفا بدون حمزه انما بوضع عليها علامات وصل يعني شبه صاد عند ضبطها بالشكل نحو اكتب واستخرج تمام دونك سي حمزه لا سيكري كما الف اي نورا با لا راس العين تدي عين مي لورا لو ديبي دو صاد pour dire وصل en fait comme tu peux voir dans le Coran ou في غير القران ولا الكتب قال مواضيع حمزه الوصل لحمزه الوصل مواضيع قياسيه ومواضيع سماعيه comment connaître qu'on a affaire à hamza il y a des règles qui font qu'il est qiyasi c'est-à-dire il a des règles sur lesquelles on peut le déduire et d'autres règles qui sont basées à l'écoute c'est-à-dire il y a pas de règles c'est du par cœur tu sais que dans tel et tel mawdou c'est hamza al-wasl parce que beaucoup de gens ne savent pas est-ce que j'ai à ce moment-là j'écris hamza al-wasl ou hamza al-qatr je sais pas ben là tu vas l'apprendre justement قال المواضيع القياسيه لحمزه الوصل en premier lieu les mawadi' qui sont basés sur des règles que si tu marches sur un tous les autres qui suivent ماضي الخماسي والسداسي وامرهما ومصدرهما وامر الثلاثي donc les verbes de 5 à 6 lettres au passé le premier hamza qu'il y a c'est hamza al-wasl dans le amr également et le masdar également. D'accord ? Le verbe khumasi, c'est le verbe de 5 lettres. Le verbe soulasi, c'est le verbe de 6 lettres. Son mardi, il commence par hamzat al-wasl. Son amr, il commence par hamzat al-wasl. Et son masdar, kazalik, par hamzat al-wasl. Ala da'iman. Taïeb ? Ça, c'est qiyas. C'est comme ça, les règles. Et le soulasi, fiel soulasi de 3 lettres, son amr, son impératif, idha kana lahu hamza, فيبدا بحمزه الوصل اسكو سيعطى ils ont pas ça مثلا اخذ ياخذ c'est quoi l'amr خذ il y a pas de hamza طيب ما في حمزه donc celui qui a hamza ça va être hamza ماذا hamza الوصل ça c'est la règle tu la connais خلاص تمشي على هذا في الكتابه الامثله ماضي الفعل الخماسي passé d'exemples de fi'l khumasi. Là, on ne prend pas les ma'ani. Hein. On ne prend pas les sens. C'est juste des exemples. Chaque al-kalima. On n'a pas besoin de savoir que veut dire tel et tel mot. Là, c'est le ma'wa kosduna hada. Donc, il m'a dit des exemples de fi'l khumasi au passé. Ittaraba, ittafaqa, ittahada. Kulluha la wazn. Sur le wazn, ifta'ala. Comme tu prends dans le surf, inshallah. Tout sur le wazn, ifta'ala. Vers les 5 lettres. Donc on reprend ittaraba, ittafaqa, ittahada, ibtada'a, intaha, iftaraqa, ikhtalafa, ikhtalaqa, ikhtalata, intakhaba, indathara, ittasala, irtafa'a, inkhafadha, ijtama'a, ishtaraka, infatala, intalaqa, ibtada'a, wa irtasama. Donc ça c'est le mardi, c'est tous des verbes à 5 lettres. Tous qui commencent par hamzat al-wasl, maksura. طيب مكسوره avec une kasra الامر maintenant le amr de ces verbes là leur impératif ittarib ittafiq ittahid ibtadi intahi iftariq ikhtalif ikhtariq ikhtalit intakhib indathir ittasil irtafi' inkhafid اجتمع اشترك انفتل وانفلت عفوا انفلت انطلق ابتعد ارتسم. مثلا avant de continuer, on avait dit quoi? Si jamais il y a un harf qui vient devant, ou un harf qui vient devant un de ces mots-là, mutaharrik, le hamza, il saute. Mathalan, tu vas dire quoi? Ijtama'a mathalan al-ulama wattafaqu. Tu vas pas dire wa ittafaqu, tu vas dire wattafaqu. Tamam? Donc là, le hamza, il saute. Si on prend le amr, on va dire mathalan ijtami' ma'a fulan wattafiq ma'ahu. Wattafiq, tu vas pas dire wa ittafiq, tu vas dire wattafiq ma'ahu. ثم قال المصدر. Maintenant le مصدر c'est même verbe. Le مصدر c'est même verbe. Il commence par حمزة الوصل. اضطراب. Il vient la وزن افتعال. D'accord. اضطراب. اضطرابان. اضطرابات. اتفاق. اتحاد. ابتداء. ابتدائي. الابتدائية. انتهاء. افتراق. اختلاف اختلاق اختلاط اختلاطي. Là quand il met les exemples comme اختلاطي ou اضطرابان ou اضطرابات, il veut dire que quoi? Que son مثنى et son جم et son نصب, lorsqu'il est منصوب à quelque chose, c'est le même jugement, c'est le même jugement. اختلاطي منه المدرسة الاختلاطية, يعني l'école mixte. اختلاطية la base des prix de اختلاط du مصدر. Donc on l'écrit sans Hamzat al-Qat, on l'écrit avec Hamzat al-Wasl. Intikhab, l'intikhabat. C'est quoi l'intikhabat? Non, les élections. Indithar, ittisal, ittisalat. Regarde, ittisalat, c'est le jam de ittisal. Tu verras souvent la faute dans les, justement, ce qu'ils appellent les ittisalat, les en France, les taxiphones. Aussi, on aura des mahabs maintenant que les jawalat, tout ça, c'est un peu fini. Il y avait écrit tisalat, c'est-à-dire tu voulais appeler une cabine téléphone, une cabine pour appeler ailleurs. Et eux, ils se trompent. Tous l'écrivent généralement avec le hamzat al-qatr. Ça, c'est khata. Tu verras, il y en a plein. Quand tu vas voir tisalat, tu verras qu'ils vont mettre un hamza, hamzat al-qatr. Et ça, c'est khata. Parce qu'ils n'ont pas appris les règles de Imlay. Et pourtant, c'est des gens qui ont été à l'école. Mais ça, dans les écoles, dans les pays d'islam, c'est une chose qui est vraiment négligée. Ils sortent avec un niveau très très faible. D'ailleurs, Tamou Nabi Musa dit l'Omour. Ils ne donnent pas importance à cela. Comme le Nahou, ils ne donnent pas importance à ces choses-là. Il est maintenant, Allah. Irtifa', Inkhifad, Ijtima', Ijtima'i, Ijtirak, Infilat, Ittilaq, Ibti'ad, Irtisam. Donc tu les vois tous, ces masdar, avec leur musanna, avec leur pluriel jam, avec leur nasb, ils prennent le jugement qui il commence par hamza al-wasl. Thumma qala madi al-fi'l as-sudasi. Madi al-fi'l as-sudasi. Le passé du verbe en 6 lettres. Il vient dans la wazn istaf'ala. Et souvent le verbe qui commence par istaf'ala, كلمه ist تدل على الطلب في الغالب لكن ليس على اطلاقه, c'est pas forcément. استغفر, استعمل, استشار, استرسل, استبعد, استخرج, استقبل, استقر, استدل, استحسن, استفحل, ihdawdaba. كل هذه الافعال c'est des sudasiyat. Commence par hamza al-wasl. Maintenant le amr de ce verbe là, l'impératif. Istaghfir, istamil, istashir, istarsil, istaid, hein? Istabid afwan. Tout à l'heure j'ai dit istabid. C'est istabada afwan. C'est l'esclavage. J'ai quand même le b sur le ayn. En fait c'est istabada et non pas istabada. Bien que istabada existe aussi. Donc là c'est استعبد استخرج استقبل استقر استدل استحسن استفحل استودب. Donc ça c'est le am. Le masdar de ce verbe là, il vient à waz istif'al, istighfar, istirmal, istirmalat, le pluriel, istishara. Certains, tu rajoutes un T à la fin. Ça viendra dans quoi? Quand tu feras des solfs, tu sauras pourquoi. Des fois, il y a des petits changements qui sont. On remplace une lettre par une autre, on fait un ibdel, on fait un kolb. Il y a des sabab, il y a des ilal qui amènent à cela. Mais là-bas, c'est istif'al. Tayyib. Irstirsal, isti'bad, istikhraj, istiqbal, istiqbalat, istikrar, istihsan, istifhal, ihdidab. Lui, c'est un peu du lot. Donc ça, ce sont les masadir du verbe soudasi. Thumma al-fi'l amr du verbe soudasi, du verbe à trois lettres. On a dit que son amr, yabda bi hamat al-wasl. Unzur, de quel verbe? Nazara. Oktub, de quel verbe? Tatab. Ijlis, jalasa. Uthkur, zakara. Irmi, rama. Rama. Ursum, rasama. Rasama. Ikra, qara. Unsur, nasara. I'lam, alim. Naam. Maintenant, quand est-ce qu'on met le hamza à la base, c'est qu'il est maksour. À la waz if'al. Comme zahaba, izhab, salad. Et il peut être madmoum quand le aïn du verbe, il est madmoum. Comme kataba, tu vas dire dans le moudalir, yak tubu. Donc le tay, il est madmoum. Ben, dans l'amr, à ce moment-là, le hamza, il va être madmoum kazalik. Tu vas dire uktub. Donc ça, c'est l'af'al. La règle, là, elle est dans l'absolu. Le verbe a 5 lettres. Il y a 6 lettres. Leur mardi, leur amr, leur masdar, ils commencent par hamd al-wasl. Et le thulasi, 3 lettres, son amr, ils commencent par hamd al-wasl. Ça, c'est dans l'af'al. Ça, c'est qiyasi, ça, dans la tête. Qala al-mawadi' al-sama'iyya li hamd al-wasl. Maintenant, quel moment c'est une chose qui doit être retenue, qui a été entendue comme ça, qui n'a pas de règle en soi. Ça, c'est dans les asma, en fait. Là, on a pris quoi? Les af'al. Les af'al, c'est qiyasi. Les asma, c'est sama'i, à l'oreille. Il y a asma ashara, ou harfun wahid. C'est que ça, tu le retiens par cœur, khalas, tu les connais. Tu sauras quand écrire tel ism avec hamz al-wasl, et quand l'écrire avec hamz al-qata. Quand tu connaîtras cela, c'est comme les asma, le binin dans les asma. Le os dans les asma, c'est qu'ils ont quoi? Mu'rab. À part certaines catégories. Tu le connais par cœur. Ben là, le os dans les asma, c'est qui s'écrit avec Hamzat le Kotr, à part 10 d'entre eux. Afouen. Et aussi les masadir, des verbes ici, ils rentrent dedans aussi. Parce que c'est des asma. Le masdar, c'est un ism. Ils rentrent dedans également. Donc c'est asma al-ashara, il y a ismun. Qu'est-ce qu'il y a ism, qui veut dire non? Yuktab y'a Hamzat al-wasl. Ist. Kazalik. Ist, à la base, c'est le postérieur, c'est l'anus. Ibn. Beaucoup écrivent Ibn avec Hamzat al-Qatr. Ça, c'est Khata. Et on prendra par la suite à quel moment, des fois, le Hamza ne s'écrit pas. Il tombe dans l'écriture aussi. Donc, Ibn, il n'y a pas de Hamzat al-Qatr en dessous. Et Ism Kazalik, tu n'en as pas, ils vont t'écrire. Tayyib, Ism avec Hamzat al-Qatr. On dit ça, c'est Khata. C'est une faute d'orthographe. Ibnah Kazalik, qui est le féminin de Ibn. Ibnum, kazalik, mana ibn. Ibnum. On a juste ajouté quoi? Un mime. Imru'un. Imru'un, mana rajul. Imru'un. Tayyib, quand dans le hadith, likul imri'in ma'nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi, fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Ce féminin, imra'atun. C'est le féminin de imru'un. Après, on a isnani. Wasnatani. Ces deux lettres s'écrivent كذلك. Hamzat al-wasl. Wa aymunallah. C'est un terme qu'on n'a pas pour jurer. تمام. C'est un min alfaz al-qasam. Aymunullah. Et là, c'est écrit comme ça que lorsqu'il est mudaf à Allah Azza wa Jal pour le qasam. Moi, j'ai jamais vu en dehors ce mot-là, utilisé pour autre chose. Bihasb al-ilmi. Après, il a dit, donc ça, ce sont les 10. Ism, ist, ibn, ibnah, ibnumum, imru'un, wa imra'atun, isnan, isnatan, wa imullah. Wa imunullah, enfin. Retiens cela par cœur et tu sauras qu'ils s'écrivent avec Hamza al-Wasi. Et après, il a dit quoi ? Wa tasniya al-asma' al-sab'a al-ula. Le musanna des 7 premiers noms qu'on vient de citer là. Ismani, istani, ibnani, ibnatani, ibnamani, imra'an, ou imra'atani. Ces 7 là, leur musanna, il s'écrit Hamza al-Wasi kazalik. Parce que Isnan, Isnatan, à la base, ce sont des mulhaq. Donc ils sont déjà à Marnan Musanna. Ou Ibnullah, il n'y a pas. D'accord ? Qala wa al-mansub minha. Et Asma al-Nasab. Auquel on a ajouté le ya, ya al-Nasab. Nahu kolika, mawsoulun, ismiyun. Masalan. Comme tu dirais, jumla, ismiya. Ismiya, c'est pris de quel mot ? Ism. Donc, il s'écrira avec Hamza al-Wasl. Prenons le même jugement. Donc ça, ce sont les asma, ré, les masadir, qui prennent Hamza al-Wasl en bidaya. Après, il y a un harf qui prend Hamza al-Wasl. Un seul, c'est el, les ta'arif. عند اتصاله بالكلمة ال الرجل البيت القلم المسجد غير ذلك ال il s'écrit comment avant le alif avant le l avant le lam je veux dire c'est hamza al-wasl il n'y a pas de hamza al-qatr sauf à quel moment quand tu le nommes مثلا ils vont dire دخل علي الف ولم d'autres vont dire دخل علي ال. Quand il nomme El, al hikaya, tu l'écris avec un Hamza. Mais en réalité, quand tu l'appliques, tu l'écris sans Hamza al-Qatr. D'accord ? Tu dis Dakhala Ali El, tu vas écrire El avec Hamza al-Qatr. Et quand tu l'appliques et tu le lis, tu le prononces El. El Bayt. Donc c'est pour ça, quand on a un harf qui vient devant, qui est Mutaharik, le Hamza, il tombe. Akul Fulen fil bait. Toyeb. Takul raitu. Raitu al masjida. Wal bait. Le hamza, tu ne prononces pas. Wa kalimat al batta. Mukhtalifun fiha. Al batta. Et certains écrivent al batta avec hamza al kota. Wa le waslu ashhar. Le plus souvent, si tu l'écris sans. Hamzat al-Qatr. Ça veut dire complètement al-Batta. Voyez, al-Batta, ça veut dire une chose complètement. Donc ça, c'est le premier bab qu'on a pris aujourd'hui, qui est Hamzat al-Wasl. Qu'il est Qiyasi wa Sama'i. D'accord ? Qiyasi wa Sama'i. Et on a pris les catégories Qiyasiya wa Aqsam al-Sama'iyya. Et après ça, c'est du par cœur. Et c'est sahil. Quand même. Fa ila huna. Wa alhamdu rabbil alamin.